Okay. Cette histoire débute après la Première Guerre mondiale, également connue comme la Grande Guerre qui fit des millions de morts. Toute grande histoire devrait débuter après une grande guerre. Maman. Ma mère ne m'a jamais aimée. Et c'est pour ça que je suis devenue un monstre d'amour. J'ai toujours désiré davantage d'amour que celui qu'on pouvait m'offrir. J'ai toujours désiré l'amour que je n'ai pas trouvé chez ma mère. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux hommes un amour gigantesque, sans condition, sans limite, sans fin, comme doit l'être, j'imagine, l'amour d'une mère. Nous, les monstres d'amour, nous sommes incroyablement naïfs. Nous croyons au sommet et à la vie en haut des sommets. Sauf que c'est impossible. En haut d'un sommet, on gèle. On se fait manger par les vautours ou bien on meurt de faim. Je me souviens de l'histoire d'une fille qui est montée pieds nus en haut d'un sommet appelé la montagne aux aigles. Avant de partir, elle a dit « Je m'en vais parce que c'est la fin du monde. » Elle s'est allongée au sommet, calmement, et puis elle est morte. Au sommet, on est toujours seul. Nous, les alpinistes de l'amour, nous sommes des solitaires et nous devons nous coltiner la plus haute altitude. J'en suis arrivée à la conclusion que toute ma vie, j'ai cherché l'amour d'une mère. Et j'ai aimé avec la bestialité d'une mère, d'une fiancée, d'une sœur, de la patrie et des noyés de la Seine. Tout ça réuni. Ta mère me suce la bite. Je cherche quelqu'un qui m'aimerait pour ma façon de manger le riz. Quelqu'un qui ne saurait pas qui je suis. Quelqu'un qui me verrait dans un restaurant chinois en train de manger du riz. Et qui se mettrait à m'aimer. Rien que pour ça. Pour ma façon de mâcher le riz. de l'avaler, de le posséder dans mon estomac. Rien de plus. Quelqu'un qui m'aimerait juste parce qu'il m'a vu manger du riz. Quelqu'un qui ne me brutaliserait pas sous prétexte que je mange trop, ou pas assez, ou que je ne mange pas. Comme toi, tu m'as brutalisé, maman. Maman, si tu me l'avais chanté, cette berceuse, je n'aurais eu besoin de personne. J'aurais été forte. Je t'aurais eu, toi, maman. Je n'aurais pas imploré de l'amour, comme une mendiante. Mais tu as fait de moi une mendiante. Je me suis agenouillée aux pieds des hommes. Je leur ai enlacé les jambes en implorant leur amour. Je me suis laissée traîner dans des escaliers en implorant de l'amour. Écoute, maman, c'est la berceuse que tu aurais dû me chanter. C'est la putain de berceuse que tu aurais dû me chanter, maman. Maman, je te hais. Papa. Mon père était militaire. Il travaillait au tribunal du château de San Fernando. C'est lui qui était chargé d'intercepter et de mutiler les lettres que les soldats écrivaient à leur mère, à leur fiancée ou à leur sœur. Il fallait barrer les phrases jugées dangereuses. C'était presque toutes les lettres d'amour. Moi, j'étais chargée de décoller les timbres à la vapeur au-dessus d'une casserole. Ils écrivaient aussi derrière les timbres. Certaines lettres n'arrivaient jamais à destination. Elles restaient chez moi. C'est comme ça que j'ai appris à lire. J'ai appris à lire en lisant les lettres d'amour des soldats, les lettres interceptées et mutilées par mon père, papa. J'ai connu un garçon qui écrit des lettres d'amour comme les soldats. Si ces lettres avaient atterri dans tes mains, je ne les aurais jamais reçues. Tu aurais mutilé toutes les phrases car tu les aurais jugées dangereuses, papa. Voici les lettres d'amour que tu aurais mutilées. Voici la lettre d'amour qu'on a écrite à ta fille. Les lettres. Le concerto italien de Bach. Si on était petit, j'aimerais mourir avec toi dans un accident domestique. Amour. Je vois les extincteurs dans la salle. Les extincteurs. Je les sens à l'intérieur de moi. Soudain, tout ça pourrait prendre feu, en toute innocence. Je m'en ficherais, à condition que tu viennes reconnaître mon cadavre, et que tu me prennes en photo, et que tu la poses sur la table de nuit, à côté du verre d'eau. Tu sais, j'ai presque imaginé qu'on allait ensemble au cinéma. Je te raconte pas le scandale. Toi et moi pour la putain de queue pour le pop-corn. Je vois les gens passer. Les gens n'ont pas de tête et pas de main. Ils n'ont pas de cœur non plus. Pas depuis que je te connais. Je sais qu'en ce moment, tu es en train de m'attendre. Parce que je suis en train de t'attendre. Comme on attend la mort. Reste, un point c'est tout. Ça suffira. Même si tout le monde dit du mal. Reste avec moi pour toujours. Reste. J'ai envie qu'on se choisisse des prénoms russes. Se choisir des prénoms russes, ce serait comme être à l'abri. Des prénoms russes d'avant. Parce que ceux de maintenant, c'est des saloperies de russes à la con. Souvent, je me dis que tu es comme une putain de chèvre. Bordel. Je vais quand même pas laisser un de mes ours te dévorer. Ou bien si, je sais pas. En fait, je suis pas très sûre. Pas très sûre pour ces putains d'ours. Si on répète pas, je vais te faire mal, Angelica. J'ai confiance en toi. N'arrête pas de penser à moi. Je suppose que j'existe parce que tu penses à moi. Où est-ce que tu peux bien être fourré en ce moment? Au bord de la mer? Tu regardes la mer sans nous. Et merde. J'ai envie de pratiquer un sport à risque avec toi. Je sais pas. Aller se baigner aux eaux au milieu des crocodiles. Un truc dans le genre, quoi. Pourquoi le public te fait chier à ce point? Sans lui, on n'est rien. Comme en ce moment, moi je suis rien sans toi. Comme en ce moment, je suis rien sans le public, Angelica. Ça revient à penser que tout va bien se passer. Rien qu'en pensant que tout va bien se passer. Aujourd'hui, je commence à avoir un peu peur. Une peur comme celle que j'éprouvais le jour de la rentrée des classes. Chaque année, le jour de la rentrée. Imagine qu'à l'instant même, on soit dans la peau de Sarah Mago et de sa femme. Je serai sur le point de mourir dans tes bras. C'est beau un amour comme ça. Et puis, Lanzarote. Il faut qu'on aille à Lanzarote. C'est Noël, et les lumières s'éteignent sur mon passage. Car je te suis fidèle, les lumières de Noël s'éteignent sur mon passage. Te suivre, peut-être, mettrait fin à toutes les guerres du monde. Et que ferait notre amour sans toutes ces guerres ? on se retrouverait à court de mort. Aller te chercher serait, je suppose, une gaminerie aux conséquences fâcheuses pour le réel, pour la guerre par exemple. Aujourd'hui, tu es loin pour la première fois. Et c'est comme si j'avais un pistolet sur les gorges. Sur toutes mes gorges et la conscience que j'en ai. Tu me manques. Je suis un peu comme les mafieux, j'imagine, quand ils perdent leur homme de main dans une bagarre qui tourne mal. Je pourrais être ton frère. Être ton fiancé, je ne pourrais pas. Je t'aime trop pour ça. Mon amour, tout va bien se passer. Il y a la guerre et moi je suis ton brancardier. Je suis le gars de la Croix-Rouge. Tu n'as rien à craindre. À part moi. Et le pop-corn. Bordel. Je veux du pop-corn. Il y a un gars qui nous regarde aujourd'hui. Je te jure. J'imagine qu'aujourd'hui tu te souviens de moi. Juste parce que tu es à la mer. Là où reposent les noyés. Tu as un bel âge. Je n'ai jamais aimé une femme de 40 ans. C'est ma première fois. Tu es ma première fois. Bonjour ma belle Angelica. Tu es sur la plage. L'eau est pleine d'inconnus. Bordel, je ne veux pas me réveiller. Ne me laisse pas. J'ai peur que tu me laisses. Bordel, tu es le cauchemar dont je ne veux pas me réveiller. Tu es la discothèque où j'aimerais mourir dans un attentat de l'ETA. Tu me manques comme une totale certitude. J'ai peur d'être plus petit que toi, beaucoup plus petit que toi, mon amour. J'ai envie de te téléphoner, mais ce serait comme appeler une personne hospitalisée aux urgences. Au fait, ramène un peu de plage. Ramène au moins un noyé pour notre amour. Répétition générale de l'exécution d'un tel à telle heure et demie. J'espère qu'aujourd'hui, tout se passera bien. Je sais que tu n'aimes pas les répétitions. Ça reviendrait à répéter une peine de mort, non? Je crois que je te respecte pas mal. Assez pour m'immoler face à ton ambassade, mon amour. Ce qui se passe, j'imagine, c'est que j'ai peur. Mais tout ira bien. Fils d'ours. Et maintenant, une alarme devrait se mettre à sonner. Une alarme se met à sonner. Papa, quand tu étais jeune, tu as pris sur la tête les coutilles d'un char d'assaut. Alors tu as reçu la médaille des souffrances pour la patrie. Mais cette médaille des souffrances pour la patrie, c'est à nous qu'on aurait dû la remettre. À lui et à moi. Et je n'ai aucune intention de te la rendre un jour. David, Les méchants s'emploient à éliminer la beauté autour de toi. Ils veulent que tu vives sans Bac. S'ils anéantissent Bac, ils s'évitent le jugement, ils peuvent se livrer à la laideur et à la médiocrité, sans avoir à être jugés. Une fois Bac anéanti, ils reprennent le dessus. Mais Bac nous élève, toi et moi, au rang des tigres. Et qui osera faire une manucure à un tigre? L'autre jour, je me suis rendu compte que quand toi, tu avais 10 ans, moi j'en avais déjà 19. Toi, tu avais 10 ans, comme mon premier fiancé, un petit Français qui passait l'été chez sa tante, dans la caserne où nous habitions. Et chaque soir, il me disait au revoir en faisant le salut en direction de ma maison, avec sa main sur son front, comme les soldats. Si je t'avais rencontré à 10 ans, je serais allée te chercher à l'école l'après-midi et on aurait joué avec le pistolet de mon père. On lui aurait volé des balles pour te faire une ceinture de balles, comme le collier de balles que mon père avait fait à ma mère. Je t'aurais habillée avec les uniformes de mon père, en t'embrassant sur la bouche. Je t'aurais fait prendre un bain après avoir démonté le pistolet et je t'aurais séché des pieds à la tête. Je t'aurais mordu les genoux comme un ours et les oreilles aussi, comme un ourson. Et comme c'était moi qui me confectionnais mes propres habits, je t'aurais cousu des pantalons et des chemises jolies comme tout. On aurait répété, oui, avant de tirer sur les connards qui nous faisaient souffrir. On aurait répété, pour ne pas tirer l'un sur l'autre, pour ne pas nous faire du mal. On aurait appris à tirer sur les autres pour nous protéger. Quand toi tu avais 10 ans et moi 19, on ne savait pas encore qu'on pouvait être heureux, bordel. Si toi et moi, on s'était rencontrés à l'époque, toi à 10 ans et moi à 19, on aurait volé à la nature toutes les bêtes sauvages et on aurait été heureux, immensément heureux. Mais maintenant, plus moyen d'être heureux ensemble. Maintenant, on a vécu, trop vécu. Toi et moi, on s'expose pour que quatre fils de pute prennent leur pied avec notre mort. Vous pariez sur notre mort, bande de connards? Qu'est-ce qu'on vaut? Qu'est-ce que vous gagnez si vous devinez le jour et l'heure de notre mort? Fils de pute, enfoiré de fils de pute, vous avez gagné. Mais vous n'aurez jamais le cran de vivre ce que nous, on a vécu. Et vous n'aurez jamais le cran de mourir comme nous, on est mort. Crainte et tremblement. Le champ de blé. Me voici. Je répondrai si quelqu'un m'appelait. J'ai fendu le bois. J'ai attaché celui que j'aimais le plus. J'ai allumé le bûcher et j'ai pris le couteau. Mon amour était le plus grand. Mon angoisse était la plus grande. Mais personne ne m'avait appelé. Et celui que j'aimais ne me fut pas rendu. Il est mort en se vidant de son sang sur la pierre. Abraham, Abraham, où es-tu? Me voici. Je répondrai si quelqu'un m'appelait. Seul l'angoissé trouve le repos. Seul celui qui descend dans l'outre-tombe sauve la bien-aimée. Seul celui qui tire le couteau reçoit Isaac, dit Soren. J'ai connu l'angoisse. Je suis descendu dans l'outre-tombe. J'ai tiré le couteau. Mais celui que j'aimais le plus ne m'a pas été rendu. Les rizières. Et j'ai pensé que c'était le fils de la promesse, comme Isaac. Et j'ai levé le couteau, en pensant qu'il était le fils de la promesse. Et j'ai levé le couteau pour que le fils de la promesse me soit rendu. J'ai investi toutes mes forces dans ma faiblesse. Mais il n'était pas le fils de la promesse, non. L'ange n'est pas apparu. L'ange n'est pas apparu. Le ruisseau. Chacun fut à sa manière, chacun en proportion de la grandeur de ceux qu'il a aimés. L'un fut plus grand dans l'espérance du possible, un autre dans l'espérance de l'éternité. Mais celui qui espéra l'impossible fut de tous le plus grand. Chacun restera dans le souvenir, mais chacun fut grand selon la grandeur de son combat. Car celui qui combattit le monde fut grand en triomphant du monde. Et qui se combattit lui-même fut grand pour être venu à bout de soi. Mais qui lutta contre Dieu fut le plus grand de tous. Mais de tous, Abraham fut le plus grand. Grand par l'amour qui est haine de soi. Je me hais. Je me hais. Pourquoi personne ne m'a parlé de la douleur de l'épreuve? Dédicace. Dédié à David, vainqueur de Goliath. Mon ours, mon enfant soldat. Mon chéri, mon David, l'invincible, mon champ de mine, David, mon amour. Parce qu'un coup de feu, c'est pour toujours. Angelica dit, David, David, David, David. Canal Sud, 92.2 MHz, téléphone 05 61 53 36 95. C'est Anexia. Angelica Lidl. Et maintenant, Jean Dubuffet. Jean Dubuffet, 1960, la fleur de barbe. As-tu cueilli la fleur de barbe sur la mi-côte, c'est le printemps, et voici que la barbe reverdie s'en tisse le fil un lundi, à la fin de la semaine, sans barbe tout le pays. J'ai parcouru le lit de la barbe au menu nid, route de silence et de nuit, mes pieds se sont épanouis, dans la tiède laine nourrie, des souvenirs de toute vie, frérot barbu qui vient ici, veux-tu me faire compagnie? Lumière de barbe, il fait nuit, le vieux birbe que voici, on y voit comme en plein midi, ami, ami, ô mon fourmillant tapis, ta barbe est mon bateau, ta barbe est mon eau, j'y navigue, barbe de flux et d'influx, bain de barbe et pluie de barbe, élément tissé de fluide, tapisserie de récits, de la barbe du birbe. On dirait que voilà quelqu'un qui s'en vient bruissant par ici, vieux débris, clocher décrépit. Mais qu'est-ce donc que ceci que je vois pendre à ton vieux menton gris? Si mon nez ne s'est pas mépris, je sens l'odeur de la barbe. Tiens, voilà qu'il parle, il dit, grommeleur et endormi. M'entends-tu? As-tu compris? Ma barbe aboie toute la nuit. Mon poulet, mon oiseau joli, j'ai faim de barbe, voici mon festin servi, mon aliment, mon salmi. De vagues, de vent, de fourmis, je mange jusque mort s'ensuit, le ragoût gris de la barbe. Comment trouves-tu, bel enfant, la barbe de l'ancien, poussée depuis si grand temps, toutes deux pleurs arrosées, trouves-tu qu'elle fait un opérant effet? Ma barbe de braise et de sang, ma barbe de feu couvant, ma brûlante barbe. Je la trouve mon parent, mon générateur, mon sang, aveuglante pour mon jeune âge, un effrayant instrument de trop dangereux usage, serpent aux nombreux replis, nœud de souvenirs et d'oubli, voici que tout s'assombrit, c'est la tempête de barbe. À l'aube, une rumeur gronde, de la barbe aux mille cris, la trompette de barbe mugit, adroitement, vieillard maudit, tes déboires, tes soucis, vieux tisseur sagace, tu les as tressés en tapis, qui te protège aujourd'hui de toute menace, or voici que gîte et surgit, sous ton vieux nez rabougri, la treille de houblon gris, tendue comme un filet piégeur. Malheur à qui s'assoupit sur cet oreiller trompeur, malheur à qui n'a compris ce que guettent dans leur abri les sans yeux mi-clos de ta barbe. Fils insolent, débile enfant, regarde bien ce que je suis. Cesse tes dires imprudents, je suis le château de barbe, je suis la citerne aux échos, la nacelle, le vaisseau pavoisé de barbe, je suis le mouvant rideau, la robe de nuit, le drapeau, je suis le stratégique oiseau aux ailes de barbe, à genoux jeune étourdi, épelle le manuscrit du grand corps de barbe, chaque jour s'y sont inscrits mes jeûnes, mes appétits, texte menu, géographie, déchiffre l'arbre de vie, carte des vœux inassouvis, déployée comme une prairie, lisse, lit dans le livre de ma barbe. Ruban de barbe des sages de l'Orient, longue route endeuillée, haussez les dieux souriants, palais de barbe de Judée, aux millions d'oiseaux gazouillants, chaude nappe déroulée, herbe de barbe des savants, sous nos pas tremblants étalés, tu te joues déplaisant gamin, du menton glabre de l'ancien, toute ma face avec soin, débarrassée de son crin, neige du rasoir au matin, nettoyer mes bajoux, mon visage que tu bafoues, brille de l'éclat de son teint, comme le creux de ma main. Tu mens, vieux fileur obstiné, cependant que tu as rasé, dans une optique fallacieuse, une paille oiseuse, ta vraie barbe n'a cessé à l'instant de s'allonger. Vieux ver à soie, vieillard rusé, les yeux ne seront bernés. J'aperçois ta barbe secrète, barbe des longues veillées, barbe des fautes inexpiées, barbe des délibérants consternés, char de barbe des amants, barbe des attentes vaines, des guetteurs, des assiégés, barbe des occasions manquées, barbe des renoncements, puant, silo de laine. Barbe empoisonnée d'Isaïe, barbe des barons de Baltique et du cavalier de Hongrie, surgit muraille maléfique au menton des démons d'Asie, entend la jolie musique, le fracas des cloches de barbe sonne et terrifie. Abreuve-toi mon fiston aux eaux du menton fécond, accourez mes compagnons quand nos vers s'empliront du jus de barbe. Nos cœurs apaisés festoieront de la boisson grise. J'ai perdu toute notion des leçons apprises. Je cuve au lit jusqu'à midi le vin de barbe, poil de barbe feu follet, queue de barbe à l'œuf mollet. Par ici la sortie, barbe au menton, barbe au nez, barbe au cul du nouveau-né. Tes jolis yeux brillent. Le texte, le frontispice et les quatre barbes faits par l'auteur à l'encre de Chine ont été reproduits par Phototypie et tirés sur les presses de l'imprimerie Duval en mars 1960 à 500 exemplaires sur vélin d'arche numéroté 1 à 500, exemplaire 418. Man's eyes when I saw you in that room. To be hard, I don't mean to be cruel. I'm just trying to say some little shock. You in the going back. Thank you. Je suis là, Jackie. Je ne t'abandonne pas. Je ne t'abandonne pas, je suis là. On n'entend pas, mais je le murmure. Pourquoi ? Telle est la question de la douleur. Pourquoi ? Telle est la question que Job pose à Dieu. Pourquoi ? Pourquoi nous infliger tant de souffrances si Dieu ne nous donne pas la force de la supporter ? Pourquoi ? Pourquoi vais-je arracher ma chair avec mes dents et continuer à t'aimer ? Pourquoi ? Pourquoi ne me débarrasses-tu plus de la rébellion ? Si tu as décidé de foutre encore ma vie en l'air, de m'humilier encore, de me faire mal encore, de me tromper encore, alors débarrasse-moi au moins de la rébellion. Fais que je sois soumise, débarrasse-moi de la rébellion. Pourquoi, bordel, ne me débarrasses-tu pas de la rébellion ? Pourquoi les gens veulent m'aider à être heureuse ? Je n'ai pas besoin d'être heureuse pour être heureuse. C'est le plus long besoin que tu me laisses. J'ai besoin que tu me laisses seule. J'ai besoin que tu ailles te faire foutre. J'ai besoin que tu arrêtes de foutre ma vie en l'air. Je n'ai pas besoin d'être heureuse pour être heureuse. J'ai besoin de la réponse de Dieu. J'ai besoin de me battre avec Dieu. J'ai besoin des points de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aide pour être heureuse. Et que diront les quatre fils de pute qui ont foutu ma vie en l'air ? Que diront-ils en me voyant à terre, me tordre de douleur, car je ne pourrai plus, car ils ne pourront plus foutre ma vie en l'air ? Que diront-ils alors ces quatre fils de pute qui ont foutu ma vie en l'air en m'entendant crier « Non, non, non !» Que diront-ils alors ? Alors ils diront « Mais qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi tu te mets dans cet état ? Pas de quoi en faire un plat, bordel, la vie est belle. Bordel, la vie est belle. Non mais qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que tu veux à la fin ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je veux ? De l'espoir, voilà ce que je veux, de l'espoir. Parfois, Jackie me parle, elle apparaît dans un coin chez moi. Elle se met à réciter des chiffres et des sigles. Comme des codes militaires, pendant une seconde, elle resplendit, puis elle repart. Je suis du côté de Jackie. Le monde veut rester solitaire, Jackie avec moi. Et moi, avec Jackie, je peux donc me moquer des fausses langues. Je ne veux pas courir le risque de me séparer de toi, Jackie. Je veux être un membre éternel de ton corps. Jackie, je vais éteindre les lumières et je veux que tu me commences et que tu m'achèves. Commence-moi et achève-moi. Fais de moi ce que tu voudras. Ma mort en échange de tes cheveux. Je suis la plus infinie partie du monde. Veille sur moi, Jackie. Je t'en supplie, veille sur moi. J'ai une sensation de soldat. Je ne sais pas vraiment sur quel front j'ai lutté, ni au nom de quoi. Je ne saurais pas expliquer pourquoi je suis encore ici. Pourquoi ai-je attendu tant de la vie? Pourquoi? Tu sais quoi, Jackie? Parfois, les soldats agissent plus mal en temps de paix qu'en temps de guerre. La vie révèle ce qu'il y a de pire en nous, et la guerre nous pousse à donner le meilleur. Voilà pourquoi je veux être toujours en guerre, toujours en guerre. Toujours en guerre. Pas besoin de tirer sur quelqu'un pour être mauvais. On peut être mauvais dans la file d'attente d'un cinéma. Qu'est-ce qui nous distingue en tant qu'homme? Mais aujourd'hui est un bon jour, Jackie. Aujourd'hui est un bon jour. Un bon jour pour préparer notre folie, notre maladie et notre mort. La folie perfectionne notre pensée. La mort perfectionne notre vie. Pour cette raison, je te le dis, Jackie, il y aurait mieux valu que je les connaisse tous déjà morts. Viens, aimable guerrière épée de joie. Ne tarde pas. Je t'attends de tout mon cœur. Parle-moi, s'il te plaît. Parle-moi. Dis-moi quelque chose de joli. La maison de la force, première partie. La petite fille dit « Aucune montagne, aucune forêt, aucun désert ne nous délivrera du mal que les autres trament à notre intention. » Confession de geste. J'étais très amoureuse d'un homme. Et lui aussi, il m'aimait. C'est sûrement l'homme que j'ai le plus aimé dans ma vie. Et un beau jour, cet homme m'a flanqué une raclée. C'était un soir au lit. C'était une réaction de rage et d'impuissance, parce que je lui avais dit qu'il valait peut-être mieux nous séparer. Peut-être qu'il valait mieux. Avant cette nuit-là, il y avait eu des nuits de solitude, de silence. Un silence insurmontable parce que je n'avais pas été capable de prononcer les mots nécessaires pour échapper à cette solitude. Le respect m'empêchait de le faire. On confond tellement souvent le respect et la soumission. Je me demande ce qui se passerait si quelqu'un qui m'aime et qui me respecte me flanquait une raclée, ensuite me demandait pardon. On arriverait peut-être à se convaincre l'un l'autre que ça n'a pas d'importance. Je me demande souvent si je pourrais accepter ça. Sauf que le lendemain matin, froidement, il m'a dit: avec tout ce que tu as fait, tu l'as bien mérité. Alors j'ai eu peur. Et c'est à cause de cette phrase que j'ai pris la décision de cesser d'aimer. Cesser d'aimer, sur simple décision, me faire mal jour après jour, faire taire mon propre cœur. D'ailleurs, il se tait déjà pas mal. Je n'ai plus peur de nager dans la douleur, car je crois savoir comment la faire taire. Lola. Confession de Lola. parfois je me dis, je vais sortir dans la rue me tuer un petit peu. Ce sont des moments où j'ai tellement besoin d'être embrassée, besoin de sentir quelqu'un à côté, besoin de sentir de la chaleur. Un jour, je suis avec un gars, je ne le connais pas. On est en train de baiser. Et lui, il commence à me baiser violemment. Il me fait mal. Très mal. Alors moi, je pleure. Je lui dis d'arrêter. Mais lui, il ne s'arrête pas. Il continue à me baiser. Et moi, je continue à pleurer. Je suis incapable de lui dire de partir. Je me sens toute petite, avec une sensation d'immense solitude. Comme si je n'avais pas d'importance. Comme si je n'étais personne. Comme si on piétinait quelque chose de très fragile. C'est comme être seule, mais avec un mec au-dessus. J'ai peur qu'on me fasse mal. Alors parfois je me dis, autant passer une nuit avec un inconnu qui est encore une fois dans ma vie, entre et qui s'en va ensuite sans me faire mal. Je me sens trop lâche pour aimer. Chacun se protège comme il peut. Mais quelle plaie d'être seule. Quelle plaie d'être seule. J'ai besoin d'aimer. Je ne sais pas pourquoi je fais ces choses-là. J'ai peut-être besoin de sensations fortes pour me sentir vivante. Car parfois la vie m'ennuie. Elle me fatigue. Et elle m'ennuie. Et elle me fatigue. La vie me fatigue. Angelica. À l'intérieur, j'explose. À l'intérieur, je me regarde et j'ai 20 ans. À l'intérieur, j'explose. Vous vivrez, baiserez, mourrez. Et rien de ce que vous ferez ne changera l'idée de l'homme. L'idée de l'homme persistera indépendamment de votre vie et de votre mort. La nature vous ignore. Le vent, les tempêtes, la chaleur, toutes ces merveilles vous ignorent. La chaleur est absolument indifférente à votre putain de vie et à votre putain de mort, même si on retrouve vos cadavres déchiquetés au bord du fleuve. Pour le fleuve, vous n'êtes ni vivant ni mort. Vous n'êtes rien pour le fleuve. La nuit ne s'émeut ni de vos putains de joie, ni de vos putains de fatigue, ni de vos putains de douleurs. Angelica. Le soleil se couche 4 ou 5 fois par jour. Le soleil se couche 4 ou 5 fois par jour. Le soleil se couche 4 ou 5 fois par jour. Alors pas de repos pour la tristesse. Geste. Je vais vous raconter un film. Mélodie pour un tueur de James Toback. Vous l'avez vu ? Harvey Keitel joue dedans. Il est vachement beau. Il joue un dur à cuire. Un assassin. Dans une scène, il va dans une pizzeria pour réclamer le loyer au gérant. Un fils de pute, un salopard. Le ton monte, ils s'engueulent à propos des fucking slides of pizza. Ils vont dans la cuisine et là, Hervé Kettle sort un flingue et lui envoie un coup de crosse en plein la gueule. L'autre tombe par terre, il baigne dans son sang. Après ça, Kettle rentre chez lui, jouer du piano, assis près de la fenêtre. Il joue du Bach. Sauf qu'il joue du Bach comme s'il était Glenn Claude. Lola. Al Pacino, lui, il dit « Afin que tu te souviennes de mon nom pour le restant des jours, je vais immédiatement te faire sauter la cervelle. » Angelica à Lola. « Afin que tu te souviennes de mon nom pour le restant des jours, je vais immédiatement te faire sauter la cervelle. » Et l'inspecteur Harry, lui, ce qu'il dit, c'est « Tu as le droit de tirer à condition de buter quelqu'un qui le mérite. » Au mariachi, vous nous jouez pour un amour. Angelica. Et j'aimerais être plus qu'une condamnation. Lola. Et ma tristesse est si grande que je peux faire de l'ombre à une forêt. Geste. Et ma douleur est forte comme une frontière. Angelica. Aimer à ce point pour moi. Aimer mourir si seul. Aimer à ce point pour mourir si seul. Aimer à ce point pour mourir si seul. Geste. Quand tu penses être un peu au calme, l'enfer fait un pas en avant. Trouble man.